Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, nous voulions vous remercier à tous de nous suivre et de nous écouter. Ce mois-ci, on fête notre 1 an de podcast et nous sommes très contents du nombre d'auditeurs et d'écoutes que nous avons, étant donné que c'est un projet qui nous tient à cœur. On n'aurait jamais cru en arriver là, avec le nombre d'écouteurs que nous avons. Merci. Ce mois-ci, exceptionnellement, nous n'avons pas d'actualité. Comme vous le savez, ce podcast est un hobby pour Océane et moi. Un hobby que nous adorons, auquel nous tenons très fort. Mais à côté de ça, nous avons tous les deux un travail et nous faisons une thèse. Rajoutez à ça un déménagement de dernière minute entre deux pays et le résultat est qu'il nous a été impossible ce mois-ci de travailler sur des actualités. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne nous a pourtant pas empêché d'enregistrer notre grand dossier avec Aurore, qui a déjà été avec nous pour le 4e épisode. Je vais laisser Océane vous la représenter. Bonne écoute. Alors ce mois-ci, pour nos 1 an chez Léviathan, on a une invitée un petit peu spéciale. C'est une invitée qui était là à l'épisode 4. Donc c'est la première fois qu'on a une personne qui vient une deuxième fois. Et donc c'est Aurore Andro. Aurore Andro, donc, si vous vous souvenez pas, c'est une doctorante à l'université Aix-Marseille qui a fait le même master que Carolina et moi, donc à Lyon, et qui travaille sur le droit humanitaire et notamment le statut des combattants de Daesh. Donc je vous conseille très fortement d'aller écouter l'épisode 4 si vous ne l'aviez pas écouté, le grand dossier, avant d'écouter le grand dossier d'aujourd'hui parce que ça va être la suite et un petit peu le complément de ce qu'on s'était dit il y a plusieurs mois. Aurore, bonjour, merci Bonjour. D'avoir accepté de revenir sur Léviathan. Avec plaisir. Et donc aujourd'hui, tu vas nous parler de Daesh et de la question des djihadistes, des revenants, comme on les appelle dans les médias. Mm-hmm. Exactement. Alors la dernière fois que j'étais venue dans votre émission, merci beaucoup de m'avoir réinvitée, on avait parlé de droit international humanitaire en général et de comment on faisait pour considérer quelqu'un comme un combattant ou non. Et c'est une question effectivement qu'on se pose depuis quelques années, hein, pas seulement à cause de Daesh, depuis un moment déjà, comment est-ce qu'on considère les combattants terroristes ? Alors, on va pas revenir sur cette question-là aujourd'hui, mais effectivement, une question d'actualité, c'est le retour de ces djihadistes des terrains de guerre en Irak et en Syrie. Donc oui, on va pas revenir là-dessus parce que c'était l'épisode 4, d'où l'importance d'aller écouter l'épisode 4 si vous ne l'avez pas encore écouté. Et donc on va reprendre sur à peu près la mi-décembre 2018, c'est ça ? On revient à cette temporalité-là. Oui, exactement, parce que à la mi-décembre 2018, donc il y a 1 an déjà, le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, avait annoncé le retrait militaire américain de Syrie, parce que selon lui, l'organisation État islamique avait été vaincue à ce moment-là. Alors, vous le savez, puisqu'on est 1 an après, en fait, ça a été un petit peu plus compliqué que ça, l'armée américaine ne s'est pas retirée, mais d'ailleurs, à la suite de cette déclaration du président Trump, c'était le Sénat qui avait mis en garde via un amendement parce qu'il estimait qu'un retrait anticipé des États-Unis du théâtre syrien pouvait mettre en danger les progrès obtenus dans la lutte contre Daesh et les autres groupes terroristes qui gravitent en Irak et en Syrie. Mais que ça pouvait aussi mettre en danger la sécurité nationale des États-Unis et éventuellement d'autres pays occidentaux. D'ailleurs, pour compléter cet amendement sur le sujet, pas mal d'experts effectivement alertaient sur le fait et alertent toujours du fait qu'il ne faut pas se réjouir trop vite. Daesh effectivement est très affaibli. Il y a quelques semaines, son leader a été tué, ou en tout cas s'est fait exploser. Maintenant, Daesh n'est pas vaincu. On sait que d'autres antennes se sont reconstruites ailleurs, notamment en Afghanistan. Donc il faut s'attendre effectivement à revoir Daesh et d'autres organisations terroristes dans le paysage dans les mois et les années qui viennent. D'ailleurs, le leader a été, enfin, s'est fait exploser après une intervention américaine, comme quoi les États-Unis ne sont pas partis de Syrie. Exactement. Même si on vous rappelle de ce qu'on a dit l'épisode précédent sur la Turquie en Syrie, au moment des actualités, il y a une vraie question qui se pose aujourd'hui sur la place des Américains sur le théâtre syrien, tout simplement. Tout à fait. Et côté irakien, là, plutôt, c'était dans un reportage qui a été diffusé en France, sur France 2, le 14 novembre 2019, si je ne dis pas de bêtises, on voit un responsable irakien qui, lui, s'inquiète un petit peu du retrait des forces américaines et internationales qui va finir par intervenir, où il expliquait que, selon lui, à partir du moment où ces forces américaines et internationales vont se retirer, il y a de grandes chances que dans les jours, ou plutôt les semaines à venir, il y ait des cellules de Daesh qui se reconstruisent autour de la capitale Bagdad. Donc voilà, tout ça pour dire qu'effectivement, Daesh, c'est pas fini. Et puis l'Irak est sous tutelle américaine de toute façon depuis des années. Mm-hmm. Ils ne peuvent pas vraiment survivre sans le maintien de l'ordre des États-Unis, notamment parce qu'il y a déjà des cellules de Daesh, et il y a des cellules de Daesh en Irak à la frontière depuis bien longtemps. Mm-hmm. Tout à fait. Voilà. Donc, petite introduction, effectivement, pour expliquer que la question, le problème terroriste, lui, n'est pas terminé. Mais c'est vrai que ce qui préoccupe beaucoup la France aujourd'hui et ses voisins européens, c'est le retour et le traitement des membres de l'organisation Daesh en France et dans les pays européens. Alors, c'est un sujet d'actualité, hein. Ça a encore été ces derniers jours, ces dernières semaines, quand la Turquie a annoncé le rapatriement de djihadistes vers les pays européens, et notamment la France. Le gouvernement français dit qu'il n'y a pas de Français dans le lot, que de toute manière, il y a une procédure très spécifique mise en place pour ce genre de retour. Il en est toujours que cette question revient sur le tapis régulièrement. Alors, en septembre 2016, donc on connaissait déjà les agissements de Daesh à ce moment-là, elle était bien installée en Irak et en Syrie. Et donc à ce moment-là déjà, c'était l'ancien directeur du FBI aux États-Unis, James Comey, qui déclarait que si le soi-disant califat islamique de Daesh était écrasé, tous ses combattants et ses partisans, évidemment, ne mourraient pas sur le champ de bataille. Et donc lui, il mettait déjà en garde à ce moment-là sur le risque que représentaient ces revenants de Daesh dans les pays occidentaux et dans tous les pays qui auraient participé à la coalition internationale contre Daesh et les autres groupes terroristes sur le terrain. Et évidemment, de leur retour et des ravages qu'ils pourraient causer dans leur pays d'origine. Alors j'aimerais juste revenir sur l'expression « revenant », donc elle vient de l'anglais, hein, « returnees », mais c'est vrai qu'en français, elle a un sens vraiment particulier, elle est très forte, parce que bon, elle décrit l'état de fait, le retour des djihadistes dans leur pays d'origine, mais elle a également... Elle a un côté zombie. Oui, c'est ça. C'est-à-dire « revenant », on parle quand même de « revenant » en français. Exactement. Quand on parle de quelqu'un qui revient de la mort. Donc c'est ça, donc ce sens effectivement de retour d'entre les morts qui va très bien avec tout l'imaginaire morbide qui est associé à Daesh et à la situation de manière générale en Irak et en Syrie. Et est-ce que du coup, d'un point de vue politique et pas médiatique, et d'un point de vue juridique, est-ce qu'on peut utiliser ce terme de revenant, ou est-ce que c'est un peu compliqué à cause de ce double sens un petit peu? Alors, dans les déclarations politiques du gouvernement français, c'est vrai qu'on fait plutôt allusion au retour des djihadistes. Par contre, des chercheurs et des experts sur la question, eux, vont parler de revenants. En France, c'est le cas de David Thompson, notamment, qui a même dédié un livre sur la question des revenants djihadistes en France. Tu nous le recommandes, ce livre ? Je vous le recommande. Tous les ouvrages de David Thompson, d'ailleurs, je vous recommande sur la question du terrorisme. Et pour avoir un point de vue intérieur, en fait, de ces mouvements djihadistes, de ces personnes qui rentrent dans ce genre d'organisation, c'est vraiment très intéressant. Alors pour poursuivre justement sur cette question des revenants et qu'est-ce qui se passe quand ils sont là, c'est un chercheur américain, Colin Clark, qui lui évoquait une diaspora terroriste. Donc en fait il fait référence au départ de ressortissants de plus de 80 pays vers le territoire qui était contrôlé par Daesh. dans le but de soutenir ces activités, mais qui sont ensuite reparties dans leur pays d'origine ou dans d'autres pays. C'est ça le sens du mot revenant. Donc lui, il met en avant le fait que ces voyageurs djihadistes, ils vont bouger au gré des cellules terroristes qui vont avoir besoin de soutien, potentiellement des guerres civiles qui vont se déclencher dans les mois et les années à venir. Et la question des révoltes, justement, dans le monde en ce moment, pose cette question-là. Et il met particulièrement en garde contre les revenants dans leur pays d'origine, et lui, il les divise en trois groupes. Le premier, c'est celui qui poserait le moins de problèmes, il les appelle les désillusionnés. Donc c'est ceux qui ont vu leur motivation à rejoindre Daesh finalement déçus, qui ne sont pas en accord avec ce qu'ils ont trouvé sur le terrain avec Daesh. Et non seulement ils ne sont pas en accord, ils sont déçus, mais donc ils ont rejeté cette idéologie du djihad. On les appelle les repentis. Il y a pas mal de témoignages d'ailleurs de ça, notamment de jeunes filles qui avaient rejoint Daesh et qui finalement s'étaient vues non pas offrir ce dont elles rêvaient, mais parfois de l'esclavage sexuel ou un mariage forcé. Mmh, tout à fait. Donc elle rentre exactement dans ce genre de catégorie, ou parfois plutôt dans la deuxième. Donc la deuxième catégorie, c'est ceux qu'on appelle les désengagés, mais pas désillusionnés. Donc ils ont rejoint Daesh, ne sont finalement pas en accord avec ce que met en œuvre Daesh, mais ne rejettent pas pour autant l'idée du djihad. Donc c'est juste que l'application qu'en fait Daesh ne leur convient pas, mais elles ne renoncent pas à l'idée de rejoindre peut-être une autre organisation terroriste ou continuer à militer en tout cas pour l'idée du djihad. Et la troisième catégorie, c'est celle qui est présentée comme la plus dangereuse par Colin Clark, c'est celle des revenants opérationnels. Donc là, ce seraient des combattants du front qui reviendraient dans leur pays d'origine ou iraient sur d'autres théâtres pour créer de nouveaux groupes, de nouveaux réseaux, dans le but de conduire des attaques sur le territoire de leur pays d'origine, ou alors effectivement profiter du désordre créé par des guerres civiles pour pouvoir se reconstituer. Et évidemment, cette troisième catégorie, elle rappelle le profil des attaquants du 13 novembre 2015, dont fête le triste anniversaire ce mois-ci. Parce que effectivement, c'était la plupart étaient français, revenaient du front pour justement préparer et commettre cette attaque du 13 novembre. Est-ce qu'il y a des statistiques à peu près du pourcentage de personnes qu'il y a par rapport à ces trois catégories, c'est-à-dire combien de personnes à peu près sont dans une catégorie et l'autre ? Alors, moi, je n'ai pas les statistiques. Je ne sais pas s'il en a été fait. J'imagine que Colin Clark, puisque lui, il est à l'origine de cette étude-là et de ces différentes catégories, a dû se pencher sur la question. Je ne crois pas que ce soit le cas en France, en tout cas. Et on n'a pas d'ailleurs de nombre, il me semble, du nombre de ces revenants de manière générale. Il y a des estimations qui ont été faites au regard des personnes parties en Irak et en Syrie. De ceux qui sont probablement morts aussi au gré des conflits, et donc de ceux qui potentiellement pourraient vouloir revenir. Après, tout le monde ne va pas vouloir revenir en France non plus. Cette dernière catégorie qu'on considère comme relativement ou extrêmement dangereuse, est-ce qu'à ton avis, et voilà, tu peux ne pas savoir parce que je sais que c'est pas ta spécialité, la stratégie terroriste, mais est-ce que, à ton avis, on peut craindre de nouveaux attentats, un peu comme ceux du 13 novembre, dans l'immédiat, dans les mois qui viennent, ou est-ce qu'ils vont essayer, à ton avis, d'abord, de reconstituer leur réseau ailleurs, en fait ? Alors effectivement, je ne suis pas spécialiste de la stratégie terroriste. Moi, mon point de vue sur la question, c'est que, là, il y a quand même leur leader qui est mort. Alors, il y en a un nouveau, hein, c'est pas le problème. Ça met quand même un coup à l'organisation. Alors, la menace terroriste, elle est toujours là, en Europe particulièrement. Moi, je pense que c'est peut-être pas en Europe qu'ils vont chercher à démontrer le fait qu'ils sont de retour en premier, parce que ce sera probablement plus facile de faire ça sur d'autres théâtres. Alors, effectivement, en Irak et en Syrie, hein, si les cellules qui restent sont capables de le faire. Mais sinon, effectivement, on peut se dire que ça aura probablement lieu en Afghanistan plutôt, où là, on n'en entend pas forcément parler en France parce que c'est monnaie courante d'avoir des attaques en Afghanistan, mais où la situation actuelle permet plus facilement aussi d'avoir ce genre d'attaque. Donc cette question-là du retour des djihadistes, elle se pose, effectivement, elle fait l'actualité, elle fait un peu peur à la population française. La question qui se pose en fait pour le gouvernement français par exemple et pour les gouvernements européens et occidentaux hein, d'une manière générale, c'est est-ce qu'il vaut mieux les rapatrier, les avoir chez nous et donc pouvoir potentiellement les surveiller, ou est-ce qu'il vaut mieux les laisser là-bas? Et comme ça on délocalise le problème d'une certaine manière. Alors d'un point de vue stratégique, il y a quand même beaucoup d'experts qui sont arrivés au constat que, quoi qu'il arrive, ce serait plus sûr de les rapatrier en France que de les laisser là où elles sont. Effectivement, ça peut sembler surprenant. L'idée, en fait, derrière ça, c'est qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Donc, ça permettrait de nous-mêmes pouvoir surveiller ces personnes-là à partir du moment où elles atterrissent sur le sol français, où elles sont jugées et mise derrière les barreaux, et ensuite à la sortie, parce que ces personnes sortiront de prison un jour, mais donc ça veut dire qu'on est capable de les surveiller nous-mêmes. Est-ce que ça ne rentre pas complètement en contradiction avec le discours politique actuel qui est de gardez-les, jugez-les là-bas, on vous donne d'ailleurs de l'argent pour les juger là-bas, et faites en sorte de ne pas nous les ramener. Mmh. Complètement. C'est un gros dilemme politique, parce que d'un point de vue d'électorat, c'est pas très populaire de demander ce rapatriement des djihadistes, parce qu'effectivement, ça ramène de l'insécurité sur le territoire. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être capable de gérer ce risque-là. N'empêche que pour la population française, tout ce qui apparaît, c'est qu'on rapatrie ces djihadistes. Mais les inconvénients à les laisser là-bas, en Irak et en Syrie, c'est que potentiellement, on laisse ces membres de Daesh aux mains d'acteurs qui sont instables. Et ça a encore été prouvé ces dernières semaines avec l'attaque turque contre les Kurdes au nord de la Syrie, parce que effectivement, lors de ces offensives turques, des djihadistes, alors pas beaucoup, mais des djihadistes sont parvenus à s'échapper des prisons kurdes. Oui, on en a pas mal parlé dans les médias, enfin assez rapidement, hein, mais. Donc voilà, d'un point de vue sécurité, c'est pas forcément une bonne idée de les laisser en Irak et en Syrie. Il y a quand même une autre question qui se pose aussi, mais qui n'est pas populaire du tout en France et en Europe d'une manière générale, c'est que si on laisse ces personnes-là en Irak et en Syrie, il y a aussi le risque que leurs droits ne soient pas respectés. Alors ça peut sembler effectivement très difficile de considérer ces personnes-là comme des êtres humains ayant des droits qui doivent être respectés, mais c'est le cas. Et c'est notamment un sujet dont s'inquiète la rapporteure spéciale des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires sommaires et arbitraires, Agnès Callamard. Et c'était cet été en août où justement elle alertait sur ce fait-là, sur le fait que les personnes qui sont emprisonnées en Irak et jugées parce qu'elles sont présumées membres de l'organisation Daesh sont presque toujours condamnées à mort ou condamnées à perpétuité. Et elle s'inquiétait aussi particulièrement de la passivité de l'État français vis-à-vis de ses ressortissants qui sont dans cette situation-là. Et elle évoquait un cas, alors bon, c'est des allégations qui lui ont été apportées à elle. L'État français nie les faits et dit qu'il n'a aucune implication dedans. Mais elle évoquait le fait que L'État français aurait pris part dans le déplacement de djihadistes français qui se trouvaient en Syrie, qui ont été capturés en Syrie, vers l'Irak, où ensuite ils vont être jugés et potentiellement condamnés à mort. Et ce qui lui posait problème à elle, évidemment, c'était ce risque d'être condamné à mort, parce que ça impliquait que la France se rendait complice de la mort de ces personnes-là. Et au-delà de la question de la condamnation à mort, est-ce que refuser le retour de personnes françaises, en fait, sur le sol français, est-ce que c'est pas contraire au droit international ? Eh bien, si, ou en tout cas, ça pose des questions, parce que au-delà de la peine de mort, effectivement, il y a la question des conditions de détention, par exemple. Il y a eu pas mal de reportages sur cette question-là, où on voit effectivement l'intérieur des prisons gérées par les Kurdes. Oui, on voit que bon, ben ils font avec avec les moyens du bord. Ils ont quand même des bâtiments de prison, hein, c'est relativement impressionnant. Mais où on voit pas loin d'une centaine de prisonniers entassés dans une pièce qui n'est pas du tout faite pour accueillir une centaine de prisonniers. Alors ces prisonniers reçoivent des soins, mais qui sont rudimentaires. Ils sont blessés, ils sont malades. Donc les conditions de détention ne sont vraiment pas bonnes. En plus, se pose la question du fait que c'est les Kurdes qui voilà, revendiquent la création d'un Kurdistan, mais qui n'existe pas aujourd'hui en droit international. Donc finalement, ce n'est pas un État qui est en train de remplir des missions de police et de justice contre ces personnes-là. Donc oui, au niveau du droit international, ça pose pas mal de questions. Et sur la peine de mort, je voulais juste revenir là-dessus. Est-ce que ça n'arrange pas la France de les laisser, de laisser ces personnes-là en Irak, justement parce qu'en France, il n'y a pas la peine de mort, et qu'on a vu en fait l'échec de la prison française avec la question d'idéologie et de radicalisation. C'est-à-dire que la prison est un endroit où les gens se radicalisent et on n'arrive pas à les déradicaliser. Et donc, pour certains politiques qui le disent même clairement, la peine de mort, c'est presque plus pratique, sauf qu'on ne peut pas le faire en France, c'est inconstitutionnel. Par contre, en Irak, c'est possible et on ne va pas juger le système judiciaire de nos alliés ou de nos alliés sur cette question-là, en tout cas. Oui, alors je ne m'avancerai pas à dire qu'effectivement c'est une volonté française de les laisser en Irak parce qu'ils risquent la peine de mort et puis bah, finalement c'est peut-être plus pratique comme ça, tout le monde est content. Mais par contre, c'est une idée relativement populaire au sein de la population française. Ça c'est certain, avec cette idée que ce sont des gens qui ont donné la mort ou qui ont participé à la donner dans des conditions horribles. Donc finalement, est-ce que ce n'est pas que justice que ces personnes-là meurent aussi? Bon, alors moi personnellement, c'est pas mon cas. Et si jamais c'était une volonté de l'État français, ça va à l'encontre de ses obligations internationales. Et je pense pas que ce soit le souhait de la France d'aller à l'encontre de ses obligations. Non, du tout. Mais dans les médias, c'est quelque chose qui est très très relayé comme avis. Et si on les rapatrie. La question de la déradicalisation, c'est une vraie question. C'est-à-dire que, imaginons qu'on identifie tous les revenants, ce qui est déjà une question en soi. On ne peut pas forcément identifier toutes les personnes qui ont eu une implication en Syrie, et savoir lesquelles ont été victimes et lesquelles ont participé, tout ça, c'est une vraie question d'enquête et juridique. Mais il y a aussi la question de, bon, ils sont en prison pour ce qu'ils ont fait, pour, ben, je ne sais pas... 2, 5, 10, 15 ans, comment est-ce qu'on les prend en charge pour faire en sorte qu'une fois qu'ils sortent, ben, ils ne recommencent pas ? Ça, c'est une très bonne question à laquelle on n'a pas encore répondu en France, en tout cas. C'est vrai que pendant quelques années, à partir du moment où on a connu Daesh et le fait que de nombreux Français partaient rejoindre Daesh puis revenaient en France, cette idée de déradicalisation, qu'est-ce qu'on fait pour désembrigader les personnes qui sont dans cette idéologie-là ? Bon, alors aujourd'hui, les expériences de déradicalisation, elles n'ont pas été très convaincantes. Celles qui ont été testées n'ont pas très bien marché. Il y a même des gens qui pensent que ce n'est pas possible, en fait, la déradicalisation, ça n'existe pas. Je crois que c'est Wassim Nastre, qui est journaliste à France 24, et spécialiste de ces questions-là, qui expliquait que voilà, pour lui, ce n'est pas possible, en fait, de déradicaliser des personnes. Donc, ça veut dire que potentiellement, c'est un risque avec lequel on va devoir vivre pour toujours. Mais de mon point de vue, la déradicalisation, c'est effectivement un processus difficile. Par contre, empêcher cette radicalisation, empêcher cet embrigadement, je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut qu'on se concentre, notamment pour des enfants qui reviendraient de ces théâtres-là, mais aussi des enfants en France, hein, qui pourraient être séduits par cette idée-là. C'est voilà, avoir tout un travail de tolérance avec ces jeunes-là pour éviter qu'ils se retrouvent dans ce genre de schéma. Et d'ailleurs, avec les jeunes, il y a aussi des questions qui ont été posées dans les médias pour les enfants qui, eux, ne sont que des enfants, hein, qui étaient là-bas et qui reviennent notamment avec leur mère. Souvent, le père est absent parce que soit toujours en Syrie, soit malheureusement pour ses enfants, morts. Mm-hmm. Comment faire en sorte que l'idéologie qui a séduit leurs parents ne les séduisent pas à leur tour. C'est-à-dire qu'on sait tous qu'on est le produit de notre éducation, alors on peut s'en détacher ou non, mais on est quand même un produit de notre éducation, et les valeurs de nos parents ou des personnes qui nous ont élevés ont forcément un impact sur nous, qu'on les rejette ou qu'on les accepte. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait de ces enfants qui ont 2, 3, 5, 8 ans, qui ont été dans un monde relativement violent et un monde sur lequel on ne veut pas voir se continuer. Comment est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il faudrait... Il y en a qui parlent de les séparer de leurs parents, mais dans ce cas-là, est-ce que ça respecte le droit de l'enfant ? Est-ce que ça respecte le droit des parents aussi ? Je me doute bien que tu n'as pas la réponse à toutes ces questions, mais c'est... Comme ça vient souvent dans les médias, voilà, je voulais en parler avec toi. Alors, j'ai pas de réponse parfaite à donner, effectivement, parce que on est au début de cette situation. Alors, effectivement, quand les enfants reviennent avec leurs parents, et donc généralement c'est la mère plutôt, parce que le père n'est plus là. La mère, elle a participé à une organisation terroriste. Donc, en théorie, elle va être jugée et probablement condamnée pour ces faits-là. Donc, les liens qu'elle va avoir avec ses enfants, ils vont être amoindris. Ce qui se passe, ou en tout cas ce qui a été médiatisé, c'est le fait que c'est d'autres membres de la famille, notamment les grands-parents, qui vont avoir la garde des enfants quand ils reviennent. Ou en tout cas qui essayent de l'obtenir. Là où on peut être un peu rassuré, c'est que au moins pendant un temps, ils vont être séparés des personnes qui produisent cette idéologie auprès d'eux. Maintenant, effectivement, rien n'est parfait. Ils ont quand même vécu sur un théâtre de guerre, vécu des choses très difficiles, vécu dans cet univers, finalement, où tout ce qui existe, c'est la guerre et c'est le djihad. Donc, l'impact que ça va avoir sur leur vie plus tard et sur leur idéologie, sur leur façon de penser, c'est un peu difficile à déterminer pour l'instant. Et est-ce que ces enfants vont bénéficier, ou est-ce que certains militent pour qu'ils bénéficient d'un suivi particulier à travers, je ne sais pas, un psychologue ou une école, ou est-ce que c'est quelque chose qui est pensable ? Est-ce que c'est quelque chose qui est pensé ? Alors, il me semble que oui, parce que c'est quand même une grosse question, hein, autour du terrorisme et justement des revenants. Cette idée de qu'est-ce qu'on va faire des enfants ? Et effectivement, l'un des meilleurs moyens de potentiellement détecter une radicalisation, ou en tout cas un début d'éléments qui laissent penser que ces personnes-là vont ensuite se retrouver dans cette idéologie-là, c'est le suivi psychologique. Il n'y a pas grand-chose de mieux, finalement, que de trouver le moyen de faire parler les enfants, exprimer ce qu'ils ressentent. Pour savoir où ils en sont. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui a été généralisé. Je ne crois pas qu'il y ait aujourd'hui une doctrine disant que toutes les personnes qui reviennent, et notamment les enfants, doivent être suivies par des psychologues. Par contre, de mon point de vue, ça devrait largement être encouragé. Oui. Et est-ce que des associations s'engagent sur ce genre de questions ? Alors, il y en a eu. Il y en a eu effectivement des associations qui se sont présentées comme spécialistes de la déradicalisation. Il y a eu pas mal de loupés, hein, voire même des gens qu'on a accusés de charlatanisme ensuite. Donc voilà, c'est une question assez difficile. Et un autre point très en rapport avec l'actualité. Qu'en est-il de Abu Bakr al-Baghdadi? On avait vu, on a su qu'il était mort, notamment à travers le tweet de Trump, mais j'ai l'impression qu'on n'en a pas vraiment plus parlé que ça. Est-ce que tu en sais un peu plus? Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Alors, effectivement, on n'en a pas beaucoup entendu parler dans les infos en France, en tout cas. À titre personnel, je dois dire que ça m'a un peu surprise. Donc effectivement, il y a une traque qui a été mise en œuvre pour trouver le leader, enfin l'ancien leader de l'organisation État islamique, à laquelle a participé notamment des unités de renseignement irakiennes. Il y a eu un reportage, envoyé spécial, diffusé en France sur France 2 le 14 novembre 2019. Où on suit tout le parcours pour retrouver ce leader et tout ce qu'il mène en fait à sa mort. Donc effectivement, il était recherché, on savait où il est, on a fini par le localiser. Et lui, sachant qu'il avait été repéré et qu'il allait soit être capturé, soit se faire bombarder, il a déclenché une ceinture d'explosifs et il est mort. Sa dépouille a été récupérée par l'armée américaine et même procédé que pour Oussama Ben Laden, son corps a été immergé en mer. Et à ce sujet, l'armée américaine a annoncé que l'immersion en mer avait été faite en correspondance avec les lois de la guerre. Oui, c'est particulier quand même. Voilà, de mon point de vue, c'est un petit peu contestable. Alors, en droit international humanitaire, les textes les plus importants, c'est les conventions de Genève de 1949 et les protocoles additionnels de 1977. Alors, il se trouve que la deuxième convention de Genève, elle parle de l'immersion des corps en mer. Mais c'est un petit peu particulier parce que cette deuxième convention de Genève, elle porte sur le combat maritime. Et qu'est-ce qu'on fait des naufragés, des blessés et des malades en mer ? Et donc, elle explique dans un article qui porte sur les prescriptions au sujet des morts que quand on a des morts dans le cadre d'une guerre maritime, on peut les immerger. Mais parce qu'on n'a pas d'autre choix, finalement. On est sur un bateau, on ne va pas garder les corps, les entasser. Il y a un risque sanitaire, ça se comprend. Là, en l'occurrence, la situation avec Abu Bakr al-Baghdadi, c'est que toute la traque et sa mort s'est passée sur Terre. Oui, il n'était pas sur un radeau. Exactement. Voilà, il n'était pas à la dérive dans une mer autour de l'Irak. Donc bon, c'est un petit peu surprenant. Et là, pour le coup, quand on est sur Terre, les conventions de Genève et le protocole additionnel 1 prévoient que les restes du défunt doivent être traités avec respect. On doit procéder à un examen pour identifier le corps. On doit ensuite laisser une plaque d'identification sur le corps pour que si jamais on réouvre plus tard, on puisse s'assurer de la personne qui a été enterrée ici. Et on doit prodiguer un enterrement honorable et une sépulture. On doit marquer l'endroit où est enterrée la personne. On le fait parce que pour les proches du défunt, c'est important ensuite de pouvoir se recueillir sur la tombe. Sauf que, et c'est une question qui avait déjà été évoquée avec la mort de Ben Laden, c'est un peu délicat de laisser un endroit, une sépulture pour un dictateur ou pour un leader d'organisation terroriste. Parce que éventuellement, ça peut devenir un lieu de pèlerinage. Et c'est notamment ce qu'on a vu avec la sépulture de Franco en Espagne. Ça fait aussi partie de l'actualité, puisque sa sépulture a été déplacée dans un cimetière proche de Madrid. Et du mausolée gigantesque, monumental qui existait, il est passé finalement à une sépulture classique et normale au milieu d'autres défunts. Alors cette question, je ne vais pas m'étaler dessus parce qu'il y a d'autres chercheurs très qualifiés sur la question, notamment Sévan Garibian qui travaille à Genève. À Aix-Marseille Université, on a également des chercheurs qui travaillent sur cette question-là. Donc je ne vais pas m'attarder dessus, mais ce que je voulais évoquer, c'est justement que voilà, on utilise le droit international humanitaire pour justifier des actions qui finalement ne le sont peut-être pas tant que ça au regard de ce droit-là. Et que ça pose aussi des questions sur l'après. Comment on va réparer les sociétés françaises, irakiennes, syriennes, toutes les sociétés qui ont subi le terrorisme, finalement, une fois que peut-être on en aura fini avec. C'est une question de justice transitionnelle, mais qui est quand même très importante, parce que... Elles vont avoir une sépulture, avoir fait ça dans les règles, de manière honorable, avoir respecté les droits de l'homme d'une manière générale. Ça va permettre de reconstruire quelque chose ensuite ensemble et de dépasser finalement l'opposition qu'on peut avoir aujourd'hui. Alors, opposition, ça peut sembler un petit peu faible quand on parle de terrorisme parce qu'on a l'impression que c'est irréconciliable et probablement que les membres de Daesh ne seront jamais en accord avec la façon dont on vit en France et les valeurs qu'on prône. De mon point de vue, le fait de ne pas respecter les droits de l'homme, c'est nous-mêmes nous conduire comme des monstres et ne pas permettre en tout cas ce retour à la normalité un jour. Et est-ce que le fait de ne pas respecter ou d'être dans une espèce de zone grise du droit international, est-ce que ça peut tout simplement nous revenir en pleine figure? Alors pas forcément hein, l'année prochaine ou dans 10 ans, mais est-ce que dans 50 ans, il peut y avoir une remise en cause de, bah, notamment là on parle du cas américain, une remise en cause du comportement américain en ce qui concerne l'immersion de Ben Laden et de al-Baghdadi? Alors, c'est une possibilité. Elle est relativement mince, mais pour vous donner un exemple, l'Organisation des Nations Unies a créé une commission d'enquête sur la situation en Syrie. Donc ça veut dire qu'il y a aujourd'hui des gens qui enquêtent sur tous les faits de la guerre en Syrie, donc les agissements du gouvernement syrien, les agissements des groupes d'opposition et notamment des groupes terroristes, mais aussi sur ce qu'ont pu faire les armées étrangères en Syrie. Donc cette commission, peut-être qu'elle s'intéressera effectivement à la façon dont on a traité le corps d'Abou Bakr al-Baghdadi, mais de toute manière, elle va s'intéresser voilà, à tous les faits qui ont été commis, les bombardements, l'utilisation d'armes chimiques par exemple, dont on parle plus trop aujourd'hui, mais qui ont fait question il y a quelques années. Et l'idée, ce serait potentiellement, dans quelques années, d'avoir soit la présentation de cas devant la Cour pénale internationale, soit la création d'un tribunal international pénal ad hoc spécial pour la Syrie. Alors, là où c'est assez peu probable de voir un jour les États-Unis répondre de ces actes-là, c'est que, bon, déjà, ils n'ont pas ratifié le statut de Rome qui crée la Cour pénale internationale, donc on ne peut pas les amener devant la Cour pénale internationale pour des faits qu'ils auraient commis. Après, reste à savoir si, en créant un tribunal ad hoc, par exemple, on pourrait les mettre en cause pour certains actes, mais ça semble assez difficile. Oui, surtout qu'ils font partie des nations les plus puissantes et les plus influentes aujourd'hui. Mm-hmm. C'est toujours difficile de condamner, pas d'appeler à condamner, mais de condamner les puissants, tout simplement. Exactement. Et j'évoquais avec vous justement cette idée de justice transitionnelle. Comment est-ce qu'on vivra l'après-terrorisme s'il arrive un jour? Et comment est-ce qu'on protège et on reconstruit la société française en particulier? C'est une question qui, pour moi, est vraiment très importante. Parce que on l'a vu aujourd'hui, là, en parlant du rapatriement, par exemple, de djihadistes, c'est pas très bien vécu par la population française, l'idée qu'on puisse ramener ces gens-là en France, le risque qu'ils représentent. Et en fait, il y a tout un rejet et vraiment une incompréhension des besoins en matière de lutte contre le terrorisme qui sont nés et qui sont très installés parmi la population française. Alors même que... ça pourrait être fait pour améliorer leur situation à eux, pour les protéger. Ils ont vraiment du mal à voir le côté, l'intérêt que ça pourrait représenter pour eux. Alors c'est un manque ou un non-savoir-faire en termes de communication de la part des autorités politiques, judiciaires et potentiellement de renseignements qui sont sur ces questions-là? Ou est-ce que c'est un rejet de ces explications? C'est une très bonne question. Je pense que c'est un tout. Alors, il y a vraiment, effectivement, un manque de communication, d'explication sur ces sujets-là. Mais je pense qu'en fait, la racine, elle est un peu plus profonde et sur un autre sujet. Et elle est attisée encore aujourd'hui par certains groupes politiques en France. C'est l'idée que le terrorisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est un terrorisme qui se revendique islamiste. Donc, en tout cas, d'essence religieuse. Il serait né de l'islam et alors pour une raison qui date pas d'aujourd'hui hein, l'islam en France fait un peu peur parce que c'est une religion différente de la religion classique en France qui va être plutôt judéo-chrétienne donc on a l'impression que voilà, l'islam en France est en train de grandir et prendre la place peut-être de valeurs qui existaient avant. C'est quelque chose qui fait peur. Parce que, en France, mais j'imagine dans d'autres nations, on a un petit peu peur du changement. Oui, et puis c'est lié aussi aux vagues d'immigration qui ont suivi les décolonisations, notamment en Algérie, mais aussi au Maroc et en Tunisie. Et donc il y a eu des vagues de migrants qui sont arrivés, d'Algériens qui sont arrivés, enfin je dis d'Algériens parce que c'est la nationalité majoritaire, mais pas que, qui sont arrivés avec un mode de vie et une religion différente. Et l'État français à cette époque-là n'a pas forcément très bien géré la question en termes d'intégration. Et donc aujourd'hui, on récupère aussi toute une culture de rejet et il faut aussi dire que nos grands-parents, enfin, pas forcément les nôtres, mais la génération de nos grands-parents se souvient de la guerre d'Algérie. Et que ça a profondément marqué, pas forcément un rejet, mais une certaine défiance, parce que ce qu'on a du mal à imaginer, nous, aujourd'hui, en tant que jeunes qui n'avons pas connu la guerre, on connaît le terrorisme, certes, mais on n'a pas connu la guerre. On ne nous a jamais demandé de nous engager, nos parents non plus. Le service militaire s'est terminé depuis, alors je parle pour des générations comme la nôtre, mais depuis bien avant qu'on soit en âge de penser à ce genre de choses. Et du coup, ça a forcément un impact, enfin voilà, il y a une culture qu'on ne connaît pas, mais qui a un impact énorme sur nous, qui est cette culture de retour de la guerre. Et la guerre d'Algérie a été extrêmement traumatisante pour à la fois les Algériens, à la fois les Français, peu importe dans quel camp ils étaient. Et donc, je pense que ça a un vrai impact sur la manière dont on voit, l'islam aujourd'hui. Complètement. Et c'est exactement ça. En fait, on subit la mauvaise gestion de la guerre d'Algérie et des guerres de décolonisation et de la décolonisation en général. Et ça a un impact aujourd'hui sur comment on va voir l'islam et ça se voit assez facilement dans toutes les polémiques qu'il va y avoir autour de la religion musulmane. Mais sur des choses qui peuvent sembler un peu ridicules quand on regarde, si on regarde ce dont on a beaucoup parlé ces dernières années depuis qu'il est question de terrorisme islamiste, c'est de polémiques qui vont avoir lieu autour de figures musulmanes ou identifiées comme telles. Donc il y avait eu des histoires autour de Tariq Ramadan, il y avait eu des histoires autour d'une jeune chanteuse Menel, le fait que elle chantait en portant un voile ou un turban, et des déclarations qu'elle aurait pu avoir aussi sur l'État français, mais d'objets aussi de la culture musulmane comme le fait effectivement de porter le voile ou un burkini sur une plage qui peut sembler complètement ridicule. Oui, on a beaucoup entendu parler. Le burkini, je ne me souviens plus quelle année c'était, d'ailleurs. 2017, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. On écrivait nos mémoires à ce moment-là. et plus récemment, effectivement, le fait qu'une maman voilée accompagne une sortie scolaire. On se cristallise vraiment sur des polémiques finalement assez... assez idiote, mais qui cristallise cette inquiétude que les Français peuvent avoir autour de la religion musulmane. Et c'était en 2017, je crois, justement, qu'il y avait eu une étude faite par France Info. C'est un sondage comme ça, où en fait on s'était rendu compte que les Français sont le peuple qui surestime le plus l'importance de sa population musulmane. Et justement, les Français estimaient la population musulmane à 30% de la population française, alors qu'a priori, les musulmans de France ne représenteraient que 7,5%. De la population. Et ils représentent pourtant beaucoup plus de pourcentage en termes de temps médiatique. Justement, toutes ces statistiques ne m'étonnent pas, puisque toutes les polémiques dont tu as parlé, c'est quand même très franco-français. Enfin, on ne voit pas ce genre de polémiques dans d'autres pays européens où la peur peut être présente malgré tout, pour d'autres raisons, ou même pour les mêmes raisons. Mais ce que je veux dire, c'est que la peur est présente dans certains pays européens, mais toutes ces polémiques sur ces petites choses et sur le voile et sur le burkini, etc., enfin, c'est vraiment très français, quoi. Bah, d'ailleurs, Carolina, tu peux peut-être nous dire, toi qui es portugaise, quel est l'état de cette question au Portugal ? Peut-être que t'en sais probablement plus que nous. De ce que je vois de l'extérieur, puisque je n'y habite plus depuis un moment, mais de ce que je vois de l'extérieur, c'est juste une question qui n'existe pas, en fait. Enfin, les personnes, évidemment, en parlent dans les infos, etc. Mais c'est pas vraiment une question qui inquiète beaucoup les Portugais. Il faut savoir qu'au Portugal, la question du racisme, de façon générale, est un peu compliquée. Puisque c'est beaucoup du racisme passif, entre guillemets, qui existe. Donc, il n'y aura pas autant de vraies violences physiques contre les personnes, ni de violences verbales très fortes comme il peut y avoir dans d'autres pays européens. Mais après, il y a beaucoup de stéréotypes, et c'est les petits commentaires, et ci et ça. Mais après, sans plus, et puis le Portugal, comparé évidemment à l'Allemagne ou à la France, n'a pas accueilli tellement de réfugiés que ça, mais le Portugal a quand même accueilli des réfugiés et à chaque fois accepte d'en accueillir quand il y a des répartitions, etc. Mais voilà, il y a un tout petit moment où le Portugal a accueilli une petite centaine de personnes et pendant 2 semaines, on voyait des choses dans les médias, mais ça s'est très vite oublié et c'est sans plus. Et puis... c'est pas vraiment une question qui est très présente au Portugal, je dirais. D'accord. C'est là aussi qu'on voit l'impact de l'histoire de la France dans ce débat. C'est-à-dire que le Portugal a certes un passé colonial, mais on voit bien la relation un petit peu, j'ai envie de dire presque toxique, que la France peut avoir avec cette question de l'islam et cette question aussi... tout simplement, plus largement, des Arabes. Et c'est une question très préoccupante quand on aborde la question du terrorisme, parce que, alors c'est un mot qui a été très utilisé depuis qu'il est question de Daesh, c'est l'amalgame qu'on fait justement entre religion musulmane et terrorisme. Donc toutes ces inquiétudes qui existent en France concernant l'islam, elles ont été renforcées par le fait qu'on a ce terrorisme d'essence religieuse, a priori, qui se manifeste beaucoup depuis quelques années. Et là où c'est inquiétant, c'est que ça montre quand même une certaine victoire du terrorisme sur la population française. Parce que le but, c'est de faire peur à une population d'un État pour qu'ensuite elle fasse pression sur son gouvernement. Et un des leviers de Daesh pour recruter ses membres, c'est justement le sentiment de rejet par l'État auquel ses membres appartiennent. Et donc, le fait d'avoir de plus en plus la population française qui s'inquiète de l'islam, qui demande à ce qu'une certaine laïcité soit mise en place, mais qui concerne spécifiquement la religion musulmane, en interdisant toute manifestation religieuse dans l'espace public, ça vient renforcer ce sentiment de rejet pour des personnes qui soit sont musulmanes, soit sont identifiées comme musulmanes, de se dire que finalement ils n'ont peut-être pas leur place ici, et une des alternatives qui s'offre à eux, malheureusement, c'est ces organisations terroristes comme Daesh. Donc c'est assez triste à dire, mais finalement, la façon dont la société française réagit, c'est une victoire pour le terrorisme. Il ne faut pas non plus jeter la pierre à la population française qui a peur, parce que, qui a peur de la représentation de l'islam, notamment à cause de cette question du terrorisme. C'est-à-dire que, certes, ça peut être vu comme une victoire du terrorisme, mais c'est aussi une réaction qui peut sembler presque naturelle, presque viscérale. C'est-à-dire que les attentats en France ont été particulièrement mortels et ont surtout une signification bien particulière. La vague d'attentats qui nous a touchés a commencé à Charlie Hebdo. Et alors c'était maintenant il y a longtemps, hein, je me souviens, on n'avait pas encore commencé nos masters à cette époque-là. Mais c'était quelque chose qui touchait à la liberté de parole, à la liberté de la presse, qui est une valeur non pas qui est très respectée en France, mais qui nous est extrêmement chère et qui fait partie de la manière dont on se définit. C'est-à-dire que du coup, cette peur, alors je veux juste te dire ça pour pas rejeter la faute c'est pas forcément à la personne qui a peur, il n'y a pas de faute à porter à qui que ce soit, en fait, c'est un système et on en fait l'analyse tout simplement, mais je voulais juste dire qu'on n'est pas en train de jeter la faute sur les personnes qui ont peur de quelque chose qu'ils ne comprennent pas forcément, de quelque chose qu'ils trouvent menaçant, les médias ont un gros poids sur la manière dont on présente l'islam, la manière dont on présente le terrorisme, la manière dont on présente les djihadistes, la manière dont on représente les revenants. Les médias, les politiques ont une vraie responsabilité dans la manière de s'adresser aux gens, parce que nous, c'est via les médias et via les politiques qu'on a des informations, de toute façon. Exactement. Oui, effectivement, l'idée, c'est pas de stigmatiser les personnes qui ont peur du terrorisme et qui associent ça à la religion musulmane. De mon point de vue, c'est une erreur, mais en même temps, c'est aussi le but du terrorisme, qu'on ait peur. Donc, c'est normal que ça fonctionne comme ça. Et comme tu le disais, Océane, la façon dont les médias et les politiques en France gèrent cette situation encourage finalement ce sentiment de peur. Donc, c'est pas tellement la population française qui doit changer, c'est ceux qui donnent l'exemple qui doivent changer pour qu'ensuite la population française puisse peut-être voir la situation sous un nouvel angle, rationaliser la question et sortir de cette peur. Et donc, est-ce que tu penses que un des meilleurs moyens de lutter contre le terrorisme islamiste dans ce cas, serait de changer notre manière de voir l'islam ? De mon point de vue, oui. Je pense qu'il y a un très gros travail à faire justement sur la façon dont est présenté l'islam d'une manière publique. Et je crois que ça passe vraiment par... ça va sembler un peu utopiste et optimiste, hein, mais passer par plus de dialogue finalement, du dialogue interreligieux, un changement aussi de vision peut-être dans les médias. Alors effectivement, parler de l'islam, ça fait peur parce qu'on en parle toujours sur des sujets qui font polémique. Peut-être que voilà, il est temps de voir cette situation-là sous un nouvel angle. Pour faire changer la situation. Et il y a pas mal d'associations à but social qui prônent la tolérance, qui essayent de travailler sur ce sujet-là. Et pour prendre le contrepoint, pour essayer de prendre un autre point de vue, en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, la question de l'intégration est extrêmement différente de la manière dont on fait en France. Et donc l'islam n'est pas du tout vu de la même manière au Royaume-Uni qu'en France. Pourtant, ils ont été la victime d'attentats, eux aussi. Tout à fait. La population britannique craint aussi le terrorisme parce qu'ils l'ont vécu sur leur sol. Alors, je me souviens plus de l'année et vraiment, j'en suis particulièrement désolée. Ils ont subi des très graves attentats avant les nôtres en 2015. Je ne me souviens plus, c'était au début des années 2000, il me semble. Oui, finalement, pas si longtemps que ça après les attentats du 11 septembre. Oui, 2001. C'est ça. Il me semble que c'était vers 2005. Je suis vraiment désolée, chers auditeurs, je devrais connaître cette date, mais je l'ai oubliée. Et donc, le fait qu'eux, ils gèrent la question de la religion, de la culture et de l'islam extrêmement différemment n'a pas changé le fait qu'ils étaient attaqués sur leur sol. Bien entendu. Alors, de toute manière, en France, il est assez peu probable qu'un jour, on ait la même approche que le monde anglo-saxon, parce que c'est pas du tout dans notre culture. Donc, ça ferait vraiment un très gros changement pour la population française, qui est un peu réfractaire au changement, sans vouloir faire référence à aucun discours politique. Mais effectivement, ça n'a pas empêché qu'eux-mêmes soient victimes d'attaques. Mais ça va s'expliquer plutôt par l'appartenance d'une part au Royaume-Uni, à la culture occidentale. Donc finalement, viser le Royaume-Uni, c'est viser l'Occident et tout ce qu'il représente. Et d'autre part, ça s'explique aussi par la participation du Royaume-Uni à des opérations militaires qui vont viser justement soit des zones plutôt à population musulmane qui va ensuite encourager le djihad, soit carrément viser des positions dites terroristes. Et donc, finalement, ce sont des représailles. Et donc, tout ça pour dire effectivement que la population française est très inquiète du terrorisme et donc rejette aussi cette inquiétude sur l'islam. Moi, ce que j'aimerais aussi mettre en avant, c'est le fait que la réaction de la population française, c'est effectivement une réaction normale, donc c'est aussi l'État français finalement qui doit peut-être faire évoluer sa position et sa façon de répondre à la question. Et moi je voulais quand même souligner le point, le fait que il est assez peu probable hein, que le gouvernement français cède un jour aux revendications terroristes. Par contre, on peut quand même se rendre compte que ça crée un désordre en France. Alors effectivement, parce que la population française réagit d'une certaine manière, mais aussi parce que pour répondre à cette menace terroriste depuis 2012, hein, après les assassinats qui ont été commis par Mohamed Merah, la France a progressivement mis en place tout un arsenal juridique qui vise à lutter contre le terrorisme, mais qui amène aussi finalement tout un arsenal qui est liberticide, parce qu'on va faire plus de surveillance, parce qu'on a élargi et durci les incriminations pénales contre les actes de terrorisme. On a renforcé aussi tous les moyens qu'on pouvait avoir pour détecter et enquêter sur des potentiels actes terroristes. Donc c'est quand même quelque chose auquel il faut qu'on fasse attention, quelque chose sur lequel il faut qu'on se questionne en France, je pense, parce que finalement, alors je crois que c'était François Hollande qui disait ça, que le terrorisme pouvait donc devenir un cheval de Troie des régimes démocratiques qui se prétendent respectueux des droits et des libertés fondamentaux. Mais finalement, pour pouvoir lutter contre le terrorisme, pour pouvoir se rassurer et se mettre en sécurité, on met en place une société où les libertés sont restreintes. Voilà, c'est quelque chose auquel il faut qu'on fasse attention, je pense. Et merci de revenir sur la question du droit, parce qu'on a un petit peu dérivé dans la dernière partie de l'émission sur des questions un peu plus politiques. Mmh. Mais il est important de repréciser que tu es bien une spécialiste du droit et que c'est en cette qualité que tu es venue et que tu n'es pas une spécialiste de l'islam en soi et que ta recherche t'amène à forcément te plonger dans ces questions-là à travers le statut des combattants de Daesh. Mais c'est à travers ce genre de questions de droit qu'on peut aborder aussi la question des revenants, la question des combattants. C'est à travers le droit, c'est à travers la géopolitique, c'est à travers la sociologie, la psychologie. Il y a énormément de moyens d'approcher cette question-là. Et tout l'objectif de ta venue aujourd'hui, c'était de mettre en avant ces questions de droit qui parfois se heurtent aux questions politiques. Exactement. Qui souvent se heurtent aux questions politiques. Très souvent, oui. Aurore, merci beaucoup d'être venue. Alors, on va bientôt terminer cette émission, mais avant toute chose, je souhaiterais vous préciser que... il va se passer un événement assez sympathique à Lyon qui s'appelle la Fabrique Défense, le 15 janvier prochain. Malheureusement Carolina ne pourra pas être là, mais je serai présente à cet événement pour parler du podcast, pour pouvoir échanger avec vous sur la question, et Aurore sera aussi présente pour vous parler du doctorat, comment est-ce qu'on se lance dedans, quelle est la vie d'une doctorante. Aurore, question. Tu nous représenteras toutes sur cette difficile question, et donc voilà, on sera toutes les deux présentes le 15 janvier pour la Fabrique Défense. Alors on va relayer toutes les indications là-dessus, mais On vous conseille de venir si vous êtes sur la région lyonnaise, ça devrait être une journée plutôt sympathique. Et je ne dis pas ça parce que c'est mon boulot dans ma vraie vie d'organiser cette journée-là. Enfin, non, ça va vraiment être sympa. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Encore désolée pour cet épisode un peu court, même si on a une intervention du coup avec Aurore qui est un petit peu plus longue que la moyenne. Et on vous retrouvera le mois prochain pour un épisode qui sera cette fois-ci complet. Merci.